Bonjour tout le monde, c'est Tibulus. Je me présente, je suis un lutin du Père Noël. Et cette année, le Père Noël a accepté que je fasse un podcast de l'Avent. C'est une grande chance, ça fait plusieurs années que je lui demande « Père Noël, laisse-moi faire un podcast de l'Avent ». Et cette année, il m'a laissé un petit coin sous la grange pour préparer un studio et vous diffuser chaque jour un épisode. Alors je vous explique, en tant que lutin, je travaille beaucoup toute l'année à faire des jouets et j'ai envie aussi de vous faire partager l'univers des lutins. On est des petits êtres un peu espiègles, on adore faire des bêtises et ce podcast c'est aussi l'occasion de vous raconter chaque jour une bêtise qu'on a faite, souvent au Père Noël, c'est notre victime préférée. Et pour ce 1er décembre, j'avais envie de vous parler d'une bêtise très spéciale que nous lui avons faite il y a quelques années. Peut-être que certains d'entre vous qui avaient aperçu le Père Noël cette année-là s'en souvient. Il était accoutré d'une étrange façon, et c'est de la faute des petits lutins que nous sommes. Excusez-moi, j'en rigole rien que de me rappeler la tenue du Père Noël. Oui, parce qu'il faut que je vous dise, le Père Noël adore sa tenue. C'est normal, c'est quelque chose d'important pour les enfants. Ce beau manteau rouge, ce bonnet, cette longue barbe qui fait presque partie de la tenue, tout ça est très étudié et le Père Noël tient à ce que tout soit impeccable le jour du réveillon, le jour où il commence la distribution des cadeaux. Eh bien nous, petits lutins, nous savions que le Père Noël faisait sa lessive un jour en avance. Oui, parce que le Père Noël est très organisé, c'est normal. Et il déteste laver sa tenue du Père Noël avec d'autres habits. Il ne faudrait pas que ça décolore. Il est comme ça, le Père Noël. Il est attentif aux moindres détails. Et ce jour-là, alors qu'il avait soigneusement mis sa tenue, préparé un programme à 40 degrés, pas trop chaud, pour que la tenue reste impeccable, eh bien ce jour-là, nous les lutins, on a réussi à s'introduire dans la buanderie, on a réouvert la machine à laver et on a glissé plein de choses avec sa tenue de Noël. Et quand je dis plein de choses, vous allez voir, je ne raconte pas n'importe quoi. On a mis par exemple avec sa tenue le pull rose de la Mère Noël, les chaussettes orange de lutins frileux, les t-shirts rouges et verts des lutins farceurs et on a bien sûr mis le tout non pas à 40 mais à 60 pour qu'il y ait un beau mariage de couleurs. Excusez-moi, j'en rigole encore. Lorsque le Père Noël est revenu pour sécher sa tenue de Noël et qu'il a constaté les dégâts, c'était trop tard. Et il a dû enfiler le jour du réveillon pour aller distribuer les cadeaux, un pantalon qui était devenu un short. Son manteau rouge était devenu un manteau rose, très joli d'ailleurs. Et son bonnet, eh bien, il était multicolore. Quelques parties orange, d'autres un peu rose délavé. Tout ça donnait une allure vraiment très spéciale. Mais comme c'était le réveillon, le Père Noël n'a pas eu le choix. Il a distribué tous ses cadeaux dans cette étrange tenue. Je peux vous dire que les enfants qui l'ont vu partir de Laponie étaient morts de rire. Et ça n'a pas dû être facile, en short, de conduire le traîneau. Parce que oui, il y a des kilomètres, et même des milliers de kilomètres, et il fait très froid là-haut quand on conduit le traîneau dans les nuages. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer dans le ciel ou dans votre cheminée en train de pester parce que, oui, il était un peu trop serré dans son manteau, il était mal à l'aise en short. Mais en tout cas, cette nuit-là, oui, ça a rouspété et il a dû boire beaucoup de lait pour contenir sa colère. Mais qu'est-ce que c'était drôle quand même. Ça vaut le coup des fois. Hein. Puis bon, il s'en est remis quand même dès le lendemain, il rigolait avec nous. Voilà, c'était notre première bêtise. J'espère qu'elle vous a plu. Faites pas ça chez vous, hein, les petits-enfants, parce que quand même, les affaires, c'est important. Nous, on savait que le Père Noël a plusieurs tenues, donc ça va. Demain, je vous raconterai une autre bêtise qui n'a pas beaucoup plu non plus au Père Noël. Mais bon, ça nous a encore fait beaucoup rigoler. Ça sera une autre histoire. Je vous laisse, parce que, bon, je fais le podcast, mais je dois aussi travailler aux jouets, et le 1er décembre, on chôme pas, et je crois que je dois travailler sur un vélo en bois très magnifique, donc je vais rejoindre mes amis menuisiers lutins. Je vous dis à demain, ça m'a fait très plaisir de venir vous présenter ce premier numéro. Ciao, à demain!